Nous, ce qu'on veut faire, c'est l'éducation là, des citoyens, de la population. Ça va du geste de consommer en tant que tel, l'impact que a le geste de consommer, l'impact au niveau planétaire. Et deuxièmement, ça rend aussi changer les habitudes des citoyens.